en bas du hall. 16 ans si jeune, les chemises qui tournent, il faut des sous. En bas du hall, ouais, ça bique grave la mort. 16 ans si jeune, et déjà dehors. Les chemises qui tournent, encore et encore, il faut des sous. On est d'accord. La nuit quand ça tirait c'est qu'on combattait. Combattait, combattait. La vie est dure quand t'es condamné. Condamné, condamné. Je veux fonder mon empire, tu peux le constater. Constater, constater. À quoi ça sert de mentir quand t'es démasqué. Démasqué, démasqué. Donc on niquera des mères. Niquera des mères. Et ça pour le bénef. Pour le bénef. L'État brisera tes rêves si t'essaies de leur mettre. Oui, oui, oui, oui. Tiens billard, j'ouvre tes lèvres. Tiens, tiens. Que je fasse rentrer la bête. Oui, oui. Oui, oui. T'es du jaune ou de la verte. Et je me roule une grosse batte. Oui, oui, en oui, bas oui. du hall, ça bique grave la mort. 16 ans si jeune, et déjà dehors. Les schmitts qui tournent, encore et encore. Il faut des sous. Oui, oui, oui. On est d'accord, on lâchera pas l'affaire. Ça malgré les emmerdes, veulent nous voir à terre. Que les traites les grosses merdes. Oui. Connaissent pas le terre-terre, ils en font leurs affaires. Bien sûr qu'on désespère de finir millionnaire. Ma poche a besoin de compagnie. Quand pour mes compagnons, je tape pas dans le ballon. Non, je détaille le litron. Oui, que de la bonne de oui, oui, que de la bonne de oui, oui, que de la bonne de oui, oui. Ma poche a besoin de compagnie. Quand pour mes compagnons, je tape pas dans le ballon. Non, je détaille le litron. Oui, que de la bonne de oui, oui, que de la bonne de oui, oui, que de la bonne de oui, oui. En bas du hall, 16 ans si jeune, les schmitts qui tournent, il faut des sous. En bas du hall, 16 ans si jeune, les schmitts qui tournent. Il faut des sous. En bas du hall, ça bique grave la mort. 16 ans si jeune, et déjà dehors. Les schmitts qui tournent, encore et encore. Il faut des sous. On est d'accord.